Les amateurs d'épopées, plus particulièrement d'épopées tibétaines, devront attendre un peu. Nous avons décidé en effet de remplacer l'émission prévue sur le roi Geza par une émission spéciale de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire de Notre-Dame de Paris. Pendant toute cette heure, nous allons tenter, même si cela est sûrement difficile, de sortir de l'émotion et de la sidération qui nous ont touchés hier pour, par l'histoire et par l'histoire de l'art, comprendre quel était ce bâtiment Notre-Dame de Paris et quelles furent ses nombreuses vies jusqu'à ce matin. Nous le ferons en compagnie de Victor Massé de Lépinay et d'Anaïs Quin de la Fabrique de l'Histoire, grâce à des textes qui seront lus pour nous par Daniel Königsberg et avec les analyses de Claude Gauvard, elle est professeure émérite d'histoire médiévale à Paris 1, et de Jean-Michel Legnaud, il est historien de l'art, ancien directeur de l'école des Chartes et spécialiste de l'œuvre de Viollet-le-Duc. Qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine ignore ce que c'est que ce déchirement, quand prise sur le fait, la nuit qui se dément, se défend, se défait les yeux rouges, obscènes. Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant. Nous arrivons vers vous de l'autre Notre-Dame, de celle qui s'élève au cœur de la cité, dans sa royale robe et dans sa majesté, dans sa magnificence et sa justesse d'âme. Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrée, cependant, Paris qu'elle a vu naître. Mais, dans quelques mille ans, le temps fera broncher comme un loup fait un bœuf cette carcasse lourde, tordra ses nerfs de fer et puis, d'une dent sourde, rongera tristement ses vieux os de rocher. Bien des hommes, de tous les pays de la terre, viendront pour contempler cette ruine austère. Rêveurs, et relisant le livre de Victor, alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était, puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort. Gérard de Nerval, Odelette. Pour cette émission que nous ne voulons tous surtout pas funèbre, en l'occurrence, nous voulions commencer par cette parole poétique qui s'est emparée, justement de cette figure familière aux Parisiens, aux Français et au monde entier, à savoir la figure de Notre-Dame de Paris. Nous sommes avec Victor Massé de Lépinay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anaïs Quin, bonjour. Bonjour un Emmanuel, peu exceptionnellement, nous sommes nombreux autour de cette table. Donc Daniel Königsberg qui va lire les textes avec nous. Nous sommes avec vous Jean-Michel Legnaud, bonjour. Bonjour. Et avec vous Claude Gauvard, bonjour. Bonjour et merci d'être là. Je sais que vous êtes tous les deux très touchés par ce qui s'est passé. J'ai dit en ouverture de cette émission, nous allons tenter de sortir de l'émotion et de la sidération. C'est peut-être ce qui est le plus dur. Nous sommes à quelques heures, effectivement, de cette catastrophe qui nous a touchés, qui a été relayée par les médias du monde entier. Et sortir de la sidération ou sortir de l'émotion ne se commande pas, en l'occurrence Claude Gauvard. Oui, bien sûr, mais avec Notre-Dame, il faut essayer de reprendre sur soi, et je dis toujours que c'est un monument qui à la fois résume le rire de l'instant et la soif de l'éternité. Et c'est ces deux temps, si vous voulez, qui font que ce monument est pour moi viscéralement attaché à ma personne. Viscéralement, parce que vous l'avez, comme beaucoup d'entre nous, parcouru en tous sens, mais bien plus que beaucoup d'entre nous, et moins rapidement que la plupart des visiteurs qui s'y rendent quotidiennement. Vous l'avez scruté parce que vous êtes médiéviste et qu'évidemment, Notre-Dame, c'est un domaine qui touche particulièrement la médiéviste que vous êtes, Claude Gauvard. Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a plusieurs Notre-Dame, vous l'avez évoqué, il y en a au moins deux, et Jean-Michel Legnaud sera là bien plus compétent que moi pour parler de la seconde, mais elles sont liées, c'est-à-dire la période médiévale, la partie médiévale qui commence avec la décision de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, en 1163, de faire construire une cathédrale à l'image de ce qui existait déjà en embryon à côté à Saint-Denis, hein, avec Suger qui avait déjà développé une partie du gothique. Et puis, il y a cette reprise au XIXe siècle, à partir d'un bâtiment qui est, on l'a vu avec l'Odelette de Nerval, 1835, qui est en partie ruiné. En partie ruiné, la flèche est tombée en 1792, ça n'a rien à voir avec la Révolution française. Elle est tombée parce qu'elle n'a jamais été entretenue depuis le Moyen-Âge. Oui, c'est d'ailleurs une des grandes questions que se posent tous les contemporains du XIXe siècle, Jean-Michel Legnaud, c'est-à-dire que faire de cet immense bâtiment, cette immense nef de pierre et au centre de Paris, est-ce qu'il faut la rénover, comment la rénover, que doit-on faire? Et évidemment, certains comme Viollet-le-Duc et d'autres vont avoir leur propre projet. Mais pour répondre à la question, il faut s'inscrire dans le temps long. L'histoire de Notre-Dame, elle est même antérieure à Maurice de Sully. Elle commence à Clovis et aux Mérovingiens. C'est un lieu où l'on adore le Dieu Tout-Puissant depuis un millénaire et demi. C'est la première chose. Ensuite, c'est un lieu qui a toujours été à la rencontre du politique et du religieux. La monarchie et l'Église. La religion et le pouvoir, et même le début de la Révolution française, s'est fait dans Notre-Dame. Alors lorsqu'au XIXe siècle, on a entrepris de reprendre Notre-Dame dans son rôle officiel d'église nationale, de temple de la religion nationale, c'est le moment où Notre-Dame a supplanté Reims, la Sainte-Chapelle, Saint-Denis est devenu le premier des grands monuments. Et au total, aujourd'hui encore, Notre-Dame dépasse très largement Versailles ou l'Arc de Triomphe de l'Étoile comme monument des pénates. Ne serait-ce que parce que, et le président de la République l'a rappelé hier soir, que c'est le kilomètre zéro de toutes les routes de France. C'est devenu le kilomètre de zéro au XXe siècle. Et alors, le XIXe siècle a participer à la construction de ce concept extraordinaire de rapprochement de la France et de la religion. Et ça a commencé avec le couronnement de Napoléon Ier. Ça se continue encore de nos jours. C'est là que François Mitterrand souhaitait une messe était possible. Voilà, souhaitait une messe. Et tout le 19e siècle a été organisé sous cet angle-là. Anaïs Kien. Mais malgré tout, on a bien entendu depuis hier soir toutes les mises en question du financement, de la restauration, de l'entretien de Notre-Dame. Est-ce qu'il n'y a pas une bascule qui ne s'est pas faite dans cette migration d'un lieu de pouvoir monarchique à un lieu républicain qui expliquerait qu'on a considéré finalement depuis 150 ans, comme le disait Claude Gauvard, Notre-Dame davantage comme un décor que comme un bâtiment à entretenir et même à faire connaître aux Français? Notre-Dame de Paris a été très bien entretenue tout au long du XIXe siècle et pendant une partie du XXe. La dernière grande restauration de la flèche a été effectuée aux alentours de 1930. C'était le moment où on avait d'ailleurs patiné en verre les 12 apôtres. Mais je pense que Donc c'est depuis 1930 qu'on n'y a pas fait grand-chose. Oui, ça remonte au dernier grand moment de la puissance économique du pays, la crise de 29-30. À ce moment-là, la chute des capacités financières s'accélère. Et quand on circule dans Notre-Dame, non seulement dans les parties ouvertes au public, mais dans les autres, on voit bien que... Enfin, on n'est pas dans une cathédrale suisse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que là, je n'ai pas l'image ne me vient pas de la cathédrale de Genève, la cathédrale de Lausanne, montée dans les combles et vous verrez la différence. Tout est nickel, les réseaux électriques sont parfaitement bien entretenus. Ce n'est pas le problème de savoir. En France, on s'est affronté à la question de savoir ce que devait faire l'affectataire, ce que devait faire l'État. Ce sont des querelles dérisoires. On le voit bien aujourd'hui. Moi, je pense que la situation que nous connaissons aujourd'hui est l'expression d'une responsabilité collective. Personne n'a véritablement joué son rôle et l'État n'a pas fait ce qu'il fallait non plus. Mais vous dites, Claude Gauvard, que c'est une cathédrale qui est à la fois trop aimée et mal aimée. Oui, c'est exactement comme ça que je résumerais d'ailleurs la situation, c'est-à-dire qu'elle est trop aimée en ce sens qu'elle est visitée par des millions de spectateurs. Les queues sont interminables. Enfin, vous le savez, en allant sur le parvis l'été, c'est assez spectaculaire. Et en fait, il n'y a rien qui en ressort. C'est-à-dire que je dirais rien. Je suis évidemment un petit peu trop radical, mais il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'aide au patrimoine, vous voyez, hein, en dehors de quelques troncs qui sont indiqués voilà, à votre bon cœur. Et puis, il n'y a pas non plus cette entrée dans la cathédrale, au sens intellectuel du terme. C'est-à-dire guider, montrer ce qui est, par exemple, médiéval. Il y a tout de même des guides, mais très peu, très peu, très peu de guides, très peu de guides. Il y a très peu de textes, Très peu de textes, très peu de à l'intérieur. Il y a de très très bons guides en tout cas. Oui, bien sûr. L'association CASA. Bien sûr, il y a d'excellents livres. Le problème n'est pas là, mais c'est que quand les visiteurs sont là, ils ne sont pas guidés. Il m'est arrivé bien des fois de m'arrêter en passant et voyant des touristes un petit peu plus avertis, de les arrêter et de leur dire regardez, vous sortez là du portail de la Vierge. Autre humeau, qu'est-ce que vous avez ? Une scène extraordinaire. Qui est le péché originel ? Ça, c'est médiéval. Vous voyez ? C'est de la facture de la dent qui est conservée au musée de Cluny. Et là, évidemment, ils m'écoutent, ils regardent, et je les emmène après voir d'autres choses. Mais bon, c'est ponctuel, vous voyez bien. Et ah, tout c'est ça, sûr qu'avec les centaines de milliers de personnes qui visitent Notre-Dame, vous ne pouvez pas faire le bien travail sûr. Toute seule. Non, mais c'est pour vous montrer qu'à quel point, si vous voulez, il me semble qu'il y aurait, il y avait un travail à faire. Il y aura et il y aura un travail à faire pour que ce monument qui est dans le cœur des Français et du monde entier soit mieux connu. Victor Massé-Lépiné. Jean-Michel Legnaud, je ne vais pas vous demander de nous faire une visite virtuelle de ces trésors de Notre-Dame, mais tout de même, puisque aujourd'hui on ne sait pas bien ce qui a été touché, ce qui a été détruit à l'intérieur de Notre-Dame, mais on a commencé en 1835 quand cette cathédrale était en mauvais état. Tout de même, au long des siècles, depuis le XIIe siècle, il y a eu une accumulation de trésors, de chefs-d'œuvre. On pense évidemment au maître-autel qui date du XVIIIe siècle, mais aussi à tous les tableaux, tous les mets, le trésor aussi de la sacristie avec la couronne d'épines. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu... La couronne d'épines semble avoir été sauvée. Semble avoir été sauvée, oui, elle a été sauvée. Mais enfin, tous ces trésors, toute cette accumulation de chefs-d'œuvre qui existe ou qui existait dans Notre-Dame. Nous avons un certain nombre de mètres carrés de vitraux médiévaux, dans les rosaces en particulier. Nous avons, enfin, où nous avions la clôture du chœur, le vœu de Louis XIII qui est constitué de... Alors le vœu de Louis XIII, il faut préciser à nos auditeurs qui ne le connaissent pas forcément. J'allais dire, qui est constitué d'une Pietà et d'une représentation de Louis XIII et une autre de Louis XIV, avec l'autel qui a été conçu sur les instructions de Louis XIV pour respecter les ordres de son père. Il y avait auparavant des tapisseries qui ont été vendues par le chapitre à la cathédrale de Strasbourg et qui s'y trouvent depuis que l'archevêque, le cardinal de Rouen, les avait achetées. Il y a tout un ensemble de vitraux, de tombeaux, je pense, au monument du cardinal de Bellois qui était le premier à restaurer le culte sous l'empire du Concordat. Vous avez tous les travaux qui ont été conduits au XIXe siècle, les peintures murales qui n'étaient pas en très bon état, il faut bien le dire, dans les chapelles absidiales. Le grand orgue était considéré comme l'un des instruments majeurs au monde, comme le reste d'ailleurs de tout ce qui se trouvait à la cathédrale. Vous avez un certain nombre de tableaux qui étaient le reliquat des mets que justement Monseigneur de Bellois avait réussi à faire revenir dans Notre-Dame. Vous avez un ensemble de chefs-d'œuvre considérables. Et ces chefs-d'œuvre, donc, on attendra de savoir ce qu'il en est de leur survie jusqu'à plus tard, et en particulier pour pouvoir savoir s'ils ont besoin d'être restaurés ou s'ils ne peuvent pas l'être. En l'occurrence, l'incendie est passé par là. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. Un extrait de l'incendie tel qu'il est décrit, bien entendu, par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Victor Massé-Lépiné. Avec cette chauve-souris qui est bien sûr Quasimodo. On a évoqué la Notre-Dame du 19e siècle. Jean-Michel Legnaud et Viollet-le-Duc, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'importance qu'a eu ce texte de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo pour réveiller la conscience collective de toute la France et entraîner ensuite ces restaurations monumentales faites par Viollet-le-Duc? Victor Hugo, par tous ses écrits et son rôle politique à l'époque, et aussi par son roman Notre-Dame de Paris, a joué un rôle déterminant dans le développement d'un nouveau type de conscience patrimoniale. Et Viollet-le-Duc en a été l'héritier. Les rapports entre Viollet-le-Duc et Victor Hugo sont des rapports assez tardifs vers la fin de la vie de l'un et de l'autre. Mais ils ont été prouvés. Il est certain que même si Victor Hugo a été inspiré par un architecte qui n'était pas Viollet-le-Duc et qui n'avait pas le savoir de Viollet-le-Duc pour Notre-Dame de Paris, il est certain que ce roman a joué un rôle déterminant pour lui. Anaïs Quin. Oui, un rôle déterminant. Claude Gauvard, vous disiez bien tout à l'heure à quel point ce monument était tombé dans l'oubli d'une certaine façon. Est-ce que ce monument de papier, l'œuvre de Victor Hugo, n'a pas effacé le monument de pierre, peut-être davantage pour les non-croyants d'ailleurs? Ah non, là je peux pas vous dire que je suis d'accord avec vous. Je pense que le roman de Victor Hugo, qui est donc antérieur, hein, 1830, il a joué un rôle fondamental pour rénover en quelque sorte l'attention des Parisiens et des Français sur le cas de Notre-Dame. Il faut quand même savoir que les enfants jouaient, hein, à la balle. Le long des murs, hein, de Notre-Dame, et ce qu'un temps évidemment les vitraux qui pouvaient rester. Mmh. Il y a donc quand même c'était vraiment un monument abandonné, effectivement, et c'est lié en partie lié à cet esprit que je ferais remonter à la Renaissance, si vous voulez, c'est-à-dire on a mis de côté le Moyen-Âge. On lui a tourné le dos. Et on a quand même, au XVIIIe siècle, fait en sorte que jugement dernier soit fendu pour pouvoir passer le dais royal. Donc au monument, au portail central. Ça, c'est Soufflot. Donc, c'est quand même. Oui, c'est Soufflot. Voilà. Donc, on a sacrifié le monument, oui, pour, voilà, faire passer le roi. Vous comprenez. Alors, la médiéviste que je suis, là, évidemment, s'insurge. Mais en même temps, la restauration du Viollet-le-Duc. Je dis toujours, et j'ai toujours enseigné, que heureusement qu'il y avait Viollet-le-Duc. Heureusement. Parce qu'il a été critiqué, bien évidemment. Mais quelle puissance! Et finalement, il a fait de Notre-Dame ce qu'il voulait, c'est-à-dire une cathédrale idéale. Quelque part, il y a la réponse, si vous voulez, dans son dictionnaire. Et je pense que cette cathédrale idéale, c'est aussi pour ça. Elle est aussi importante. Et justement, il tentait de présenter son projet de restauration de Notre-Dame de Paris au ministre de la Justice et des Cultes. C'était donc Lassu et Viollet-le-Duc qu'il présentait en 1843, une lecture de Daniel Königsberg. « Trois siècles avaient travaillé à l'achèvement de cette reine des cathédrales de France. Trois siècles avaient jeté dans ce grand monument tout ce qu'ils avaient pu réunir de plus riche, tout leur art, toute leur science. Trois siècles enfin étaient parvenus à parfaire l'œuvre commencée par le pieux évêque Maurice de Sully. Le monument était complet. Pourquoi ne pas l'avoir conservé ainsi ? À partir du XVIIIe siècle, ce n'est plus pour l'église Notre-Dame qu'une suite de mutilations, de changements sous prétexte d'embellissement. De cette époque, ce ne sont plus tant les intempéries des saisons qui détruisent une si belle œuvre que la main des hommes. Lorsqu'on énumère cette suite de destructions, on ne comprend comment il reste encore de si beaux vestiges de l'ancien édifice. Un extrait donc du projet de restauration de la Suie et Viollet-le-Duc présenté au ministre de la Justice et des Cultes en 1843, Victor Massé de l'Épinay. Oui, ces dégâts faits par la main de l'homme, là on croirait presque lire Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, c'est aussi un thème qu'il développe beaucoup. L'homme fait plus de mal à Notre-Dame de Paris que le temps, les outrages, la météo et les révoltes. Jean-Michel Vigneault. Victor Hugo exprime une position idéologique qui mériterait encore d'être autopsié, ausculté aujourd'hui. Il affirme que la modernisation progressive et les apports des siècles ont contribué à détruire l'état initial. À ce point de vue-là, il se distingue assez des autres romantiques qui admettent que les cathédrales se développent comme des coraux. Mm-hmm. C'est la position de Théophile Gautier. Mm-hmm. Et dans Notre-Dame de Paris, enfin le roman, met l'accent sur le monument médiéval. Et Victor Hugo va être le point de départ de toute une littérature plus ou moins scientifique pour dénoncer le vandalisme des époques ultérieures, et en particulier le vandalisme que Louis Réau appelait le vandalisme ecclésiastique, mais qui n'est pas un vandalisme, qui est l'évolution. L'évolution des choses, l'adaptation d'un lieu à des usages différents. Et donc, la restauration de Mérimée, de Viollet-le-Duc et de la Suce, partant de cette position de Victor Hugo, veulent rendre à l'édifice son caractère médiéval en gommant l'essentiel des siècles antérieurs. C'est une prise de position qui est tout à fait discutable. C'est une sorte de fondamentalisme. On retourne aux fondamentaux, à ce qu'on pense être le bâtiment originel, en niant ce qui s'est passé absolument, pendant les siècles intermédiaires. C'est la négation de la modernité. Oui, Anaïs Kia. Oui, peut-être Claude Gauvard, cette restitution médiévale du 19e siècle. Peut-être que vous pouvez nous aider aussi à séparer peut-être ces couches temporelles qui constituaient le monument qui a été incendié. Oui, moi je suis assez favorable au fait qu'un monument évolue. Le problème n'est pas là. Le monument évolue, je dis simplement que là quand même, quand on taille dans le tympan du jugement dernier, c'est quand même peut-être un petit peu aller trop loin. 1771. Voilà. Mais l'intérieur de l'église, le vœu de Louis XIII, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, par conséquent, non, je ne suis pas du tout une médiéviste racornie sur mes bases, je ne pense pas. Mais il faut quand même essayer de voir qu'il y a des couches, hein, effectivement. Il y a des couches successives, et ce qui relie le tout, c'est cette perspective de Viollet-le-Duc d'offrir cette cathédrale idéale. Je reviens là-dessus, parce que ça correspond quand même à l'esprit médiéval de Notre-Dame. Bon, qu'est-ce que c'est Notre-Dame ? Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est Notre-Dame question. De Paris. Qu'est-ce que c'est ? C'est un monument qui est érigé avec un but qui est de développer la rédemption de l'homme. Alors, on peut être croyant ou pas croyant. Là, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on voit à travers ce monument, dans l'iconographie et aussi par certains côtés, dans la façon dont elle est située, la construction elle-même, cette idée que l'homme peut toujours être sauvé, de lui-même. L'un des grands thèmes iconographiques, c'est le miracle de Théophile. Le miracle de Théophile, qu'est-ce que c'est ? C'est cet homme du VIe siècle, qui officier, qui a donné son âme au diable parce qu'il n'a pas eu le poste qu'il voulait. La Vierge le sauve. Jusqu'au bout, on peut être sauvé parce que... Pourquoi il est sauvé ? Parce qu'il revient sur son péché, sur ce qu'il a fait de mal, et il demande l'intercession de la Vierge. La Vierge intercessrice, c'est le thème fondamental de Notre-Dame. Et pour moi, c'est un espoir d'humanité. Et je pense que, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait que, justement, ce bâtiment est à la fois, je le répète, du temps présent, de l'instant et de la soif d'éternité. Jean-Michel Degnaud. La modernité contre le passé, comme disait Claude Parent, c'est toujours l'occasion d'un coup de force. Et puisqu'on prenons le cas du vœu de Louis XIII, lorsque le roi a décidé de modifier le chœur, ça a suscité des conflits très graves avec le chapitre, qui voulait absolument conserver l'état médiéval, considérant qu'il était, lui, le conservateur des usages antérieurs. Et il y a eu une sorte de moyen terme, puisqu'il était admis que l'autel resterait dans le fond du chœur, alors que le projet initial prévoyait de le mettre à la croisée du transept. Et en permanence, l'adaptation d'un édifice ancien à des usages nouveaux implique ce genre... Mais justement, qu'est-ce que cela changeait de changer d'avis sur la position de l'autel ? Eh bien, c'est parce que dans une cathédrale, dans le système médiéval, jusqu'à la Révolution en France, dans d'autres pays, ça continue d'être ainsi, une cathédrale n'est pas une paroisse. C'est un lieu qui est affecté exclusivement à la liturgie capitulaire. Et par conséquent, il n'y a pas lieu d'installer un autel face au peuple, puisqu'il n'y a pas de peuple, en principe. On peut mettre des autels latéraux devant le jubé. Ce sont des autels secondaires. Mmh. Et les chanoines qui ont vocation à animer liturgiquement le lieu, avaient un autel depuis le Moyen-Âge, à l'emplacement des corsins, comme on disait, donc dans le fond du chœur, et rapprocher l'autel de la croisée conduisait à modifier sensiblement les usages. Et ça, c'était la modernité. Et le public qu'on attendait à accueillir dans le lieu également ? Voilà, alors c'était la modernité issue du Concile de Trente qui estimait qu'il fallait rapprocher la liturgie des fidèles. Alors on a commencé d'abattre la partie occidentale des jubés, quelquefois les parties latérales. On a installé des autels de plus en plus près de la nef, et ça a modifié évidemment la façon dont les chanoines animaient cultuellement les lieux. Ça a modifié. Bon, alors, avec le Concordat, en France, les cathédrales ont été affectées à une vie paroissiale, en plus de la vie capitulaire. Elles ont eu double fonction. Mais vous allez en Espagne aujourd'hui, vous avez dans les années 70-80, les chanoines étaient dans leur stall, enfermés dans leur jubé. Et il n'y avait que les touristes et quelques âmes pieuses qui circulaient dans la cathédrale. Chaque face, chaque pierre du vénérable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer ici que les détails principaux, tandis que la petite porte rouge atteint presque aux limites des délicatesses gothiques du XVe siècle, les piliers de la nef, par leur volume et leur gravité, reculent jusqu'à l'abbaye carlovingienne de Saint-Germain-des-Prés. On croirait qu'il y a 6 siècles entre cette porte et ses piliers. Il n'est pas jusqu'aux hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant de leur science. Ainsi, l'abbaye romane, l'église philosophale, l'art gothique, l'art saxon, le lourd pilier rond qui rappelle Grégoire VII, le symbolisme hermétique par lequel Nicolas Flamel préludait à Luther, l'unité papale, le schisme, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques de la Boucherie, tout est fondu, combiné, amalgamé dans Notre-Dame. Cette église centrale et génératrice est parmi les vieilles églises de Paris une sorte de chimère. Elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la croupe de l'autre. Quelque chose de toute. Vous nous tirez les larmes, cher Daniel Königsberg, avec ce texte de Victor Hugo, donc tiré évidemment de Notre-Dame de Paris, choisi par vous, Victor Massé-Dépinay. Oui, et on a choisi ce texte, bien sûr, parce que Victor Hugo avait une lecture, on a pu dire, fondamentaliste du Moyen-Âge. Il reconnaît là, en tout cas, le caractère complètement composite de cette cathédrale et il admire ses influences diverses et aussi ses lectures qu'on peut faire diverses, parce que c'est aussi une histoire d'interprétation, Claude Gova. Oui, vous savez, je répète toujours, après d'ailleurs ma petite fille, à Notre-Dame, les pierres parlent. Et c'est exactement ce que fait Victor Hugo. Il les fait parler, et elles sont effectivement parlantes. Elles sont parlantes, alors pas comme il l'a dit peut-être, mais on a des reconstitutions, bien sûr, de statues de l'époque de Viollet-le-Duc, avec les trumeaux qui sont médiévaux. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est cette espèce de mélange qui fait que parfois, d'ailleurs, peut-être la reconstitution ne correspond pas exactement au thème qui est sur le trumeau, mais ça, est-ce que c'est grave ? Non. C'est le passé. C'est la vie qui passe. Voilà, aussi. C'est la vie qui passe, c'est le passé de cette cathédrale qui mélange les choses. Et bon. On n'a pas encore parlé des gargouilles, des chimères, de la cerise, etc. Mais c'est quand même, c'est indispensable à Notre-Dame. C'est indispensable parce que ça la fait partie, si vous voulez, du bestiaire fantastique du 19e siècle et je dirais des manuscrits médiévaux dans les marges. Oui. Ce mélange, justement, de rire et d'éternité, puisque ces marges des manuscrits, c'était aussi bien des marges de textes religieux que de textes profanes, et beaucoup de textes religieux. Mais alors justement, Claude Gova, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de la dimension architecturale, de l'histoire de cet édifice, du message religieux que l'on pouvait tirer vers quelque chose d'universel aujourd'hui, mais Notre-Dame, c'est aussi une école, c'est aussi un lieu de savoir au Moyen-Âge. Oui, alors tout cela, il faut bien voir la perspective initiale. La perspective initiale, elle n'est pas tant d'enseigner au peuple, contrairement à ce qu'on raconte partout, mais elle est d'enseigner aux clercs. Il y a une école cathédrale, il y a des clercs qu'il faut former, et la pierre sert à les former. D'où, si vous voulez, les saisons, les signes du zodiaque, les vertus, etc. Les vices et les vertus. D'accord. Et puis, une leçon dans la pierre. Une leçon dans la pierre. Si vous regardez, alors, ce qui est une partie des plus anciennes des sculptures, qui est sur le portail Sainte-Anne, vous avez la vie de la Vierge. La vie de la Vierge, allez la chercher dans la Bible. Eh bien non, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de descriptions de la vie de la Vierge. Elle est dans la pierre, dans les évangiles apocryphes, dans des textes qui circulent, et il faut la montrer, si vous voulez, ce qu'est effectivement la vie de la Vierge. Ça n'est pas destiné au public. Et c'est ça la grande différence avec le 19e siècle. Au 19e siècle, il y a un exemple que j'aime beaucoup qui est le Adam et Ève. Mmh. Où les statues étaient-elles placées à l'époque médiévale ? Elles étaient placées à l'entrée du transept sud, qui est celui de l'évêque. C'est-à-dire que seul l'évêque pratiquement pouvait les voir. Viollet-le-Duc place Adam et Ève au fronton de la cathédrale, à l'extérieur, pour que l'église s'ouvre sur le peuple. Si vous laissez en même temps l'accordaire prêchant à l'intérieur de Notre-Dame. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir et c'est l'église évoluée vers quelque chose qui va de ce qui était confiné à une cléricature spécialisé vers un public de fidèles ou maintenant de gens qui écoutent et qui voient la cathédrale. C'est toute cette longue évolution, effectivement, que retracer justement l'architecture et les ajouts architecturaux tout au long des siècles, en l'occurrence Jean-Michel Legnaud, jusqu'au 19e siècle. Victor Hugo a développé un concept extrêmement fructueux qui était déjà existant, mais il a donné un nom, il a parlé d'œuvre d'art totale. Alors, on s'emploie à parler de Gesamtkunstwerk parce qu'on se croit obligé de parler allemand de temps en temps pour faire plus sérieux. Mais l'expression a été, dans Notre-Dame de Paris, clairement indiquée comme celle par Victor Hugo. Alors, œuvre d'art total, il voulait dire par là que c'était le lieu où se conjuguaient tous les arts entre eux. Et peut-être pouvait-il prendre aussi le mot art au sens médiéval du terme, c'est-à-dire non seulement les arts plastiques et la musique, mais aussi les arts de l'intellect. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit ceci tuera cela, c'est-à-dire que cette conception religieuse du savoir dans sa globalité devait être céder le pas à une laïcisation via le livre. C'est ce qu'il entend. Il a développé une conception de la Renaissance qui a été aussi celle de Michelet, de Lucien Febvre, qui est venu en conflit dialectique avec le Moyen-Âge, mais qui n'était pas nécessairement fondée. Victor Massé-Lépinay. Oui, il y a un des symboles de la restauration de Villaldi qui est aussi une des images les plus fortes et les plus symboliques de l'incendie d'hier. C'est bien sûr la flèche de Notre-Dame que Villaldi avait donc reconstruite. Elle existait depuis depuis le XIIIe siècle. Elle avait été détruite au XVIIIe. Oui, je voudrais vous entendre un tout petit peu sur cette flèche, nous dire ce qu'elle était, ce qu'elle représentait. C'est déterminant. L'architecture, elle est faite d'exploitation d'archétypes préexistants, la grotte, la cabane, et puis bien naturellement, il y a la tour de Babel. La tour de Babel biblique, c'est la tour de Babel qui attire la malédiction divine. L'humanité se divise et la tour ne sera jamais construite. C'était un projet démiurgique d'arriver à la hauteur de Dieu. Bon. La flèche, à la croisée du transept, c'est une autre tour de Babel. Mais c'est une tour de Babel qui va en communion avec Dieu à sa rencontre. Et c'est donc un symbole déjà extraordinaire, ce type de choses. C'est aussi l'occasion de développer un savoir technique absolument prodigieux. Et au XIXe siècle, la flèche de Notre-Dame a été conçue par une entreprise qui était l'entreprise Bellu, dans laquelle travaillaient des compagnons charpentiers, avec tout le rituel par derrière du secret compagnonique. Et ils ont fait la flèche de la Sainte-Chapelle, ils ont également fait la flèche de la cathédrale d'Orléans, ils avaient travaillé à Saint-Denis, ils vont travailler ensuite à Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Et c'est eux qui ont refait cette flèche, ce modèle de charpente à la manière du Moyen-Âge. Il faut aussi penser que dans cette optique du savoir compagnonique, la charpente, c'est l'art intellectuel par excellence. Hein. Peut-être plus encore que la stéréotomie. Et c'est l'expression même de l'intelligence. C'est pour ça que la cabane s'oppose à la grotte. La grotte, c'est un archétype naturel, chthonien, c'est biologique même, parce que c'est aussi le ventre féminin, c'est l'utérus, tandis que la cabane, c'est une construction humaine et rationnelle. Et donc, effectivement, cela rentre dans cette longue histoire du compagnonnage autour de Notre-Dame de Paris. Vous avez évoqué tout à l'heure, Jean-Michel Legnaud, le nom de Jules Michelet. Voilà ce qu'on retrouve dans le journal de Michelet à la date de 1844. Il est, disons, un peu gêné par cette cathédrale et par cette Notre-Dame. Il n'aime pas beaucoup le Moyen-Âge, on le sait. Voici ce qu'il écrit. 12, vendredi, pluie. Attendu dans Notre-Dame, puis rencontré sur le pont. Notre-Dame, si nous étions les mortels ennemis de l'Église, voici ce que nous ferions. D'abord, nous la compromettrions, la mêlerions à la polémique, mettant l'injure dans la chaire, l'injure sur les portes, l'injure dans les pastorales. Ensuite, comme cette vénérable église pourrait toucher les cœurs par l'Antiquité, comme du moins aux heures de solitude, elle aurait puissance, sinon par les hommes, au moins par les hommes de pierre noircis par le temps, par la mousse des vieux âges, par l'injure des temps, par les mutilations et même l'outrage des révolutions. Si nous étions ses ennemis, nous effacerions tout cela, nous blanchirions cette église, nous ferions disparaître et la mousse et les ruines, nous y mêlerions des statues de tous les temps, nous en ferions un musée. Comment voulez-vous qu'une église résiste à cette conjuration du prêtre et du maçon pour l'exterminer? Voilà ce que nous ferions si nous étions ses ennemis. Une chose encore, nous y ferions des affaires. Nous y mettrions des bureaux. Nous n'y vendrions pas des bœufs ni des poules, comme les marchands du temple, mais nous y placerions un centre de librairie où les marchands de livres spirituels seraient obligés de venir solliciter censure, approbation et privilèges exclusifs, en sorte que ceux qui iraient ou viendraient pour prier ne rencontrassent que des marchands. Mais nous ne sommes pas des ennemis, il s'en faut. Nous ne nous réjouissons pas. Nous qu'on affiche sur les portes de l'Église, nous qui avons contribué à y rappeler le peuple, nous seuls la pleurons. Eh bien oui, ce lieu est propre au recueillement de la pensée et tout à fait à l'abri des séductions extérieures. Bien loin d'imposer notre parole, nous nous engageons à l'examiner, à la contrôler. Mais enfin, puisqu'on ne dit rien, puisque les prédicateurs les plus populaires ne fournissent rien comme aliment de l'esprit, il faut bien que vous et moi, nous cherchions dans cet asile du libre examen quelques lueurs de la vérité. On l'aime bien Michelet tout de même, quand il écrit cela sur Notre-Dame, parce que ce texte-là du journal, évidemment, diffère un peu de ce qu'il écrivait dans son Histoire de France, à propos justement de ces cathédrales, qui étaient le lieu des rois, le lieu de tous les rois de France. C'est comme ça qu'il le décrivait dans l'Histoire de France, et il a décrivé Notre-Dame de Paris. Mais là, il l'a décrit de façon plus intime, pourrait-on dire, Claude Gauvard. C'est celui qui serait presque un libre penseur, en tous les cas, pense qu'on peut avoir le libre examen et la libre pensée dans un tel lieu. Oui, mais je pense que, moi je comprends très bien, c'est un lieu de, j'allais dire de recueillement intellectuel, oui, bien sûr, et par conséquent, je suis tout à fait Michelet, si je peux me permettre, voilà, en toute modestie. Non, je pense que c'est quand même, et ça correspond évidemment à ce que j'ai dit précédemment, donc on ne va pas insister beaucoup. Il n'aime pas le Moyen-Âge, non, je suis pas d'accord, il n'aime pas l'Église. Il n'aime pas l'Église, évidemment. Il n'aime pas l'Église, il y voit derrière l'Église, il voit l'Inquisition, et il voit les sorcières brûlées, voilà. Donc, mais... Finalement, quand même, il aime Jeanne d'Arc. Hein. Ah ben, et Jeanne d'Arc, c'est quand même une partie de l'Église. Voilà. Jean-Michel Legnaud, à propos de ce texte. C'est-à-dire que derrière se profile aussi une autre idée qui est la cathédrale du peuple. Oui. Le 19e siècle a voulu inventer des cathédrales laïques. C'était ce qu'on appelait la grande salle. C'était déjà un projet architectural en soi. Une grande salle, qu'est-ce que c'est? C'est couvrir la plus grande surface possible avec le minimum de support possible pour accueillir de façon indifférenciée sur le plan des classes le démos le plus important quantitativement. Alors la grande salle, c'est l'opéra, ça peut être la salle de bibliothèque, et la cathédrale est le prototype de la grande salle. Évidemment, Michelet développe l'idée que la cathédrale est le lieu de rassemblement du peuple, mais ce peuple, dans l'esprit de Michelet, ne converge pas vers l'adoration de Dieu. Saint-Sacrement. Tandis que c'est une idée que partage d'ailleurs Viollet-le-Duc. Il y a des rapprochements entre Viollet-le-Duc et Michelet. Hetzel a publié une édition de l'Histoire de France illustrée des dessins que Viollet-le-Duc avait publiés dans divers ouvrages, en particulier dans l'histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale. Ça n'a pas pu se faire sans que les deux hommes se soient rencontrés. Et Viollet-le-Duc développe l'idée que la cathédrale doit être appelée à une vocation laïque. Et c'était, paraît-il, selon lui, la situation du Moyen-Âge à partir de 1230, lorsque le clergé a confisqué la cathédrale au détriment du peuple. Enfin, il y a toute cette théorie polémique qu'il développe dans diverses parties de son œuvre. Claude Gauvin. Oui, il faudrait quand même qu'on soit un petit peu plus précis, peut-être, sur la fréquentation médiévale de la cathédrale. Ouais. Bon, j'ai dit que tout à l'heure, c'était d'abord une cathédrale pour les clercs, mais sûr. Le peuple y a accès. Il y a accès en dehors justement de la clôture qui a été construite pour séparer le peuple de la liturgie la plus réservée au clergé. Dans la cathédrale, on circule. Il y a des mendiants. Il y a des aumônes. Il y a des contrats commerciaux qui sont passés à l'intérieur même de la cathédrale. Et là où il des livres, contrairement mais à il a, que... il a là où il a tort, c'est que justement, il y avait eu peut-être des livres justement, parce que on est tout près du quartier des libraires, hein, qui sont juste à côté. Alors, il y a quelques prostituées aussi, hein, bien sûr, qui sont à proximité. Mais il y a aussi le quartier des libraires. Et on a quand même une foule qui vient à Notre-Dame. Hein, il faut quand même bien savoir que le peuple y a accès. Nous avons avec nous, pour terminer cette émission, Emmanuel Blanchard. Bonjour Emmanuel Blanchard. Bonjour. Vous êtes documentariste et vous travaillez donc actuellement sur deux projets de documentaire sur Notre-Dame. Vous avez d'ailleurs interrogé pour l'un d'entre eux Jean-Michel Legnaud ici présent. J'imagine que on ne veut pas faire de cette émission une émission triste, je l'ai dit dès le départ, et nous essayons de dépasser l'émotion, mais j'imagine qu'effectivement ce qui s'est passé hier vous a particulièrement touché. Vous avez avancé dans ces deux projets, l'un qui sera un dessin animé autour de Notre-Dame et l'autre qui sera un documentaire pour France 5, pour la télévision public, tous les deux. C'est important, effectivement, de vous avoir, parce que vous êtes un de ceux qui, depuis quelques semaines et quelques mois, parcouraient en tous sens cette cathédrale et cette Notre-Dame de Paris. Oui, en réalité, ça fait beaucoup plus que quelques mois, parce que c'est un projet de très longue haleine qu'on conduit avec France Télévisions. Et en réalité, je travaille dessus depuis plus de 2 ans, donc ça fait plus de 2 ans que je fréquente cette cathédrale, que je l'ai filmée, j'ai envie de dire, sous toutes les coutures, qu'on a été accueillis par toutes les équipes qui travaillent et vivent à Notre-Dame, et que enfin, j'ai le sentiment d'avoir développé, avec pas seulement avec les gens qui y travaillent, mais avec le bâtiment lui-même, une forme d'intimité, de familiarité. Et j'étais en montage hier quand on nous a alerté, puis on a quitté la salle de montage. Et on a été regarder ces images désastreuses et terriblement bouleversantes. Quoi. Anaïs Kia. Oui, Emmanuel Blanchard, j'imagine que cela change quelque peu la perspective du projet. Lorsque vous vous êtes attaqué à ce projet, c'était une sorte de monument inamovible. Puis tout à coup, hier, la sidération, le choc. Donc votre scénario va peut-être être modifié par l'événement. Il va devoir l'être, puis quelque part c'est notre métier de documentariste, quoi, modestement de rendre compte de ce qui s'est passé. Après, sur la grande chronologie de la construction de Notre-Dame, elle est connue, elle a d'ailleurs aussi connu ses accidents et ses pauses et ses arrêts et ses destructions. Maintenant, c'est sûr que oui, vous avez tout à fait raison. On peut plus parler d'un bâtiment qui aurait traversé les siècles. Cela dit, et Jean-Michel Legnaud dira pas le contraire, en fait, il a quand même connu pas mal de transformations. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui tient le coup depuis le Moyen Âge, c'est quand même la structure. Et vous avez vu hier que finalement, les pompiers ont annoncé que la structure tenait. Donc, en fait, ce qui date du Moyen Âge tient encore le coup. Hein. C'est la flèche, elle est de viaduc. Dans ses fondations, dans ses soubassements, le bâtiment a tenu bon, quoi. Oui, d'ailleurs, ça fait partie de la particularité d'un bâtiment comme celui-ci, justement, que d'avoir subi bien des avanies. On a expliqué le mauvais entretien parfois, on a expliqué les différentes restaurations qui ont eu lieu. Jean-Michel Legnaud, on peut s'attendre à ce que celles qui viennent soient, elles aussi, à la hauteur du monument. On l'espère, en tous les cas. J'espère que ce sera l'occasion d'un grand travail collectif comme ça le mérite. J'ai en tête l'exemple extraordinaire qui concerne la restauration de la chapelle de la Sindona à Turin, la chapelle du Saint-Suaire, lorsque le bâtiment a brûlé. Dans les facultés d'architecture, il y a eu des quantités d'équipes qui ont travaillé spontanément pour élaborer des projets, chacun à leur façon, les uns destructeurs, les autres reconstituants, etc. Et moi-même, j'avais participé à un petit cénacle qui s'était tenu à Bâle, où on était une quinzaine de spécialistes à discuter sur la façon, de façon purement gratuite, sur la façon de restaurer la Sindona. Puis ensuite, la surintendance a pris ses responsabilités. La Sindona n'est pas encore totalement restaurée, je crois, ou ça doit l'être. C'était à Turin, c'était pas encore ouvert il n'y a pas très longtemps. j'espère qu'on trouvera l'occasion, justement, dans les différentes écoles d'architecture, de réfléchir à cette question. C'est une occasion, hélas, unique et extraordinaire pour les architectes de penser à cette question, comment restaurer Notre-Dame de Paris. Oui, avec une particularité, effectivement, c'est que malheureusement, une catastrophe comme celle-ci, Claude Gauvard, peut servir à mieux connaître le bâtiment. On sait que beaucoup de ces bâtiments médiévaux, même s'ils ont été étudiés par des architectes au XIXe siècle, méritent ou encore quelques secrets. On va essayer de les comprendre encore mieux, peut-être dans une restauration comme celle-ci. Oui, je l'espère et je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. On a le savoir-faire mondial. Le Christ Sauveur à Moscou, 4 ans la construction. Bon, alors on peut aimer ou ne pas aimer, le problème n'est pas là. Mais 4 ans, c'est rien. Mais c'est peut-être plus facile de construire que de oui, reconstruire. C'est possible, c'est possible. Mais je veux dire par là que quand j'entendais ce matin 30 ans pour reconstruire, oui, enfin bon, on verra. Je pense qu'il y a des moyens peut-être plus rapides. Et en tout cas, un appui intellectuel, je pense qu'il faut qu'une coordination, bien évidemment, de tous les grands spécialistes, à la fois, alors pour les arts pris dans tous les sens du terme, comme disait tout à l'heure Jean-Michel Legnaud, les arts pris dans tous les sens du terme, de la technique, des arts mécaniques jusqu'aux arts libéraux. Libéraux. Aux arts libéraux. Exactement. Victor Vasset de l'Épinay. Donc les discussions vont avoir lieu. Il va sans doute y avoir des débats féroces, mais tout compte fait, ce débat est souhaitable, Jean-Michel Legnaud. Moi, j'espère que le débat sortira de la sphère des spécialistes. Ce tragique événement est, à mon avis, le résultat d'une responsabilité collective, et ça doit être la collectivité dans son entier qui doit porter ce projet de restauration. Si ça reste cantonné dans la sphère de la commission des monuments historiques, des architectes des monuments historiques, ça se fera bien sûr et ça se fera probablement bien, mais l'intérêt sera bien moindre que si, je vous dis, dans les écoles d'architecture en particulier, dans les universités, on évoque cette question qui concerne tout le monde. Merci beaucoup à vous Jean-Michel Legnaud, merci Claude Gauvard d'être venu aussi rapidement, ainsi qu'à toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire, à vous Daniel Königsberg que nous avons appelé assez tard hier soir pour venir lire les textes, à Anne Isquien, Victor Masset de l'Épinay, Thomas Duterre, également Céline Leclerc qui était sur le pont, Morgane Danan était avec nous à la technique aujourd'hui, et il était important, je pense, que la Fabrique de l'Histoire puisse s'emparer d'un sujet comme celui-ci de façon différente. Sachez que vous pouvez lire La Révolution Gothique d'Alain Erland Brandenburg sur cette question. Vous pouvez lire aussi Les Gargouilles de Notre-Dame de Michael Camille, paru il y a quelque temps chez Alma Éditeur. Jules Michelet, son journal vient d'être réédité par Perrine Simon-Naoum, c'est en folio classique. Et puis, à propos d'une autre cathédrale incendiée, je vous conseille évidemment la lecture de Thomas Gedgens, La cathédrale incendiée, mais c'était celle de Reims en septembre 1914 dans de toutes autres conditions.